d'un temps où le consensus scientifique penchait vers la soupe. Je parle de la soupe primordiale, bien sûr, celle des tout débuts de notre planète où le mélange moléculaire couplé à l'intense rayonnement et de puissants éclairs d'orages primitifs aurait conduit à l'assemblage des protéines nécessaires à l'apparition de la vie. Mais ça, c'était avant que l'on ne connaisse mieux les comètes, les météorites, les astéroïdes et la chimie prébiotique spatiale. Observation après expérience, un nombre de plus en plus important de ces molécules dites prébiotiques semblent avoir pu se former dans le froid interplanétaire et ce dès les tout débuts du système solaire, et si tout compte fait, les prémices de la vie venaient de l'espace. L'espace, il était une fois la vie, c'est le programme prébiotique donc qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour évoquer ces prémices, ou en tout cas les prémices de ce qui à terme deviendra sur notre planète le vivant, et pourquoi pas à ce moment-là, si c'était le cas sur notre planète, sur d'autres, bon, mais éventuellement on verra si on a le temps d'aborder cette question plus tard. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à distance, comme il se doit, Grégoire Danger, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires de l'université Aix-Marseille CNRS et chercheur associé au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et également Pauline Poineau, bonjour. Est-ce que nous avons Pauline Poineau? Je sais qu'il y avait eu des petits problèmes de liaison. Oui, bonjour. Bonjour, ça y est, je vous entends, vous êtes là, tout va bien. Enchanté de vous recevoir, vous êtes biochimiste et chimiste analyste, maîtresse de conférences et chercheuse interdisciplinaire à l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. D'où vient donc la vie? Qu'est-ce qui est à l'origine du passage de l'inanimé à l'animé? Quelles sont les briques nécessaires? Comment tout cela s'est-il produit? Voilà un mystère qui hante l'humanité depuis ses débuts et dont le voile a commencé à se lever avec l'émergence de la chimie et de la cosmologie contemporaine. Écoutez donc ce qu'en disait Pierre-Paul Grasse, il est zoologiste, nous sommes en 1952, c'était sur la radiodiffusion française. À l'heure actuelle, la vie se perpétue. Elle se perpétue dans les plantes, elle se perpétue dans les animalcules, elle se perpétue à travers l'homme. Mais des formes nouvelles de vie n'apparaissent pas. Nous voyons donc que l'apparition de la vie a exigé une réunion de facteurs favorables, une conjonction de conditions physico-chimiques extraordinaires. Et malheureusement, nous n'avons pas une idée claire, ni de ces facteurs, ni de ces conditions. Si nous l'avions, nous pourrions peut-être espérer fabriquer de la vie. C'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les matériaux. Encore faut-il les ordonner suivant une architecture dont nous commençons à peine à deviner les premiers linéaments. La vie est un phénomène non pas improbable, mais hautement improbable. Et je vais fort loin en supposant même qu'elle a dû apparaître en des points très restreinte de la surface de la Terre, peut-être même en un seul. En effet, s'il y avait de nombreux centres créateurs de matière vivante, nous aurions eu des types, selon toute chance, toute probabilité, nous aurions eu des types de matière très différents les uns des autres. Il est vraisemblable que tous les êtres actuels dérivent de la même masse de matière vivante originelle. Voilà une conception singulière en 1952, c'était avant tous les enseignements que peuvent nous donner aujourd'hui l'exobiologie, la cosmologie et la chimie prébiotique. Peut-être votre regard sur cette archive et sur cette conception de l'émergence du vivant, Grégoire Danger? Oui, ben en fait, les 52, c'est vraiment en 53, vous avez l'expérience de Miller en fait, hein, qui a regardé, qui a simulé ce qu'il avait, qui aurait pu se passer dans l'atmosphère de la Terre primitive. Et en fait, il avait montré en effet qu'on pouvait former les acides aminés. Donc, on est vraiment à l'origine de la chimie prébiotique. Après, voilà, maintenant, tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, la matière organique, on arrive à la former dans de nombreux environnements différents, donc que ce soit dans les atmosphères planétaires, que ce soit, on pourra en discuter tout à l'heure, lorsque, en fait, un système planétaire va se former. Et donc, en fait, la question, ça reprend un petit peu certains commentaires que disait l'intervenant, c'est que en fait, ce qui va compter énormément, ça va être dans quel environnement on va pouvoir retrouver cette matière, et c'est l'environnement qui va, les conditions de l'environnement, les températures, température, de ce qu'on appelle le pH en chimie, par exemple, qui vont en fait orienter l'évolution chimique. Et on pense que c'est l'environnement de la carte primitive, évidemment, a été un des exemples qui a permis d'orienter la chimie vers l'émergence d'une chimie prébiotique et la biochimie telle qu'on peut la connaître maintenant. Mmh. Pauline Poineau, votre point de vue sur cette archive? Effectivement, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Grégoire Danger, c'est-à-dire que en fait, il ne suffit pas d'avoir les éléments de la vie, indépendants les uns des autres, pour pouvoir former la vie. C'est-à-dire que il faut que les conditions permettent à ces éléments de s'associer les uns avec les autres pour former des molécules plus complexes, puis des cellules, puis des organismes vivants. Et effectivement, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que les conditions de la Terre primitive étaient réunies pour que ces éléments puissent s'associer et former des molécules plus complexes, puis des cellules. Et en fait, ces conditions, aujourd'hui, on ne les connaît que sur Terre, et c'est pour ça que dans notre système solaire, finalement, on sait que seule la Terre, aujourd'hui, avait les conditions pour pouvoir, en fait, faire émerger la vie. Alors, on a choisi cette archive précisément comme ça ne l'a pas échappé à Grégoire Danger, précisément parce que c'est un an avant l'expérience de Miller, et c'est ce que je disais. Oui. Et j'aimerais bien qu'on en parle peut-être pour l'évacuer, parce que nous, on va se poser la question d'une autre forme d'émergence, c'est celle qui est la création de ces briques du vivant dans l'espace interplanétaire ou dans les disques protosolaires, bref, dans l'espace et pas sur la Terre. Mais cette expérience de Miller, c'est celle qui a popularisé pendant de longues années l'idée qu'il puisse y avoir une sorte de soupe primordiale. Vous pouvez nous raconter un peu pourquoi elle a été tellement en vogue et pourquoi aujourd'hui, peut-être que, elle a eu, on peut dire, une sorte de revers, en tout cas, que ça n'est plus l'hypothèse favorisée sur les conditions de l'émergence de la vie sur la Terre, Grégoire Danger. Oui, alors, en fait, cette idée de la soupe primitive, elle vient, Darwin déjà en parlait, hein, et après, vous avez Haldane et Oparin, séparément, qui ont écrit des livres, en fait, sur la chimie prébiotique, et notamment sur le fait que, probablement, que l'atmosphère de la Terre primitive était ce qu'on appelle réduite, c'est-à-dire que vous aviez principalement du méthane et de l'ammoniac, et ça, c'est très intéressant, parce que vous avez le carbone de cette forme-là qui permet de faire une chimie extrêmement riche. Donc en fait, Stanley Miller, en 53, il a pris cette hypothèse-là et il a transformé au laboratoire en faisant une première expérimentation dans laquelle, en fait, il a simulé une atmosphère de la Terre primitive dans laquelle vous aviez de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, et il a appliqué des décharges électriques recréant, en fait, les éclairs qu'il aurait pu y avoir dans l'atmosphère de la Terre primitive. Et en fait, il avait un ballon dans lequel il avait de l'eau liquide, et il a récupéré en fait les molécules qui se formaient à partir de décharges avec cette atmosphère de méthane, ammoniac, eau, hein, en phase gazeuse. Il a récupéré dans le liquide un ensemble de molécules organiques, et en fait il a cherché des acides aminés. Il s'est rendu compte qu'à partir uniquement d'eau, de méthane, d'ammoniac soumis donc à ces fortes énergies, on arrivait à former des acides aminés, un grand nombre d'acides aminés. Et donc ça, évidemment, c'était la première expérience qui a montré à partir, je dirais, des molécules qui n'ont peu à voir avec la vie, évidemment, l'eau, on a beaucoup d'eau dans le système biochimique, mais je veux dire, le méthane, l'ammoniac, eh bien, on était capable de former des molécules qui sont constitutives, finalement, des protéines du vivant. D'accord ? Alors après, cette expérience-là a été remise en question parce que les modèles, alors moi, je suis pas été spécialiste, hein, mais de ce que j'en connais, c'est que les modèles atmosphériques de la Terre primitive sont beaucoup moins réducteurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient beaucoup plus des dioxydes de carbone que du méthane. C'est ça. Et là, vous avez un carbone sous forme d'oxydé et ça va avoir tendance à diminuer les quantités d'acides aminés qui sont formés. Alors, je dirais que les élèves de Stanley Miller ont montré qu'en modifiant la composition de la phase aqueuse, on arrivait à réaugmenter la quantité d'acides aminés formés. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a été remise un peu en question. Et c'est quand même une expérience extrêmement intéressante parce que c'est la première expérience qui a essayé de montrer, de simuler les conditions de la Terre primitive et d'essayer de voir ce qui se formait. Et ça a été une des premières expériences à vraiment montrer qu'on pourrait former des molécules d'intérêt pour le vivant à partir de quelque chose qui n'a rien à voir avec le vivant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des critiques sur la nature de la composition de l'atmosphère. Exactement. Et de cette soupe primordiale. Et puis, d'ailleurs, Miller avait co-signé en 2008, peu de temps avant sa mort, une sorte de réactualisation de cette expérience en montrant qu'effectivement, même en changeant les paramètres, on pouvait arriver à un résultat similaire, même si c'est pas tout à fait au même résultat. Pauline Poineau, aujourd'hui, cette hypothèse de bien l'apparition de ces briques, hein, on ne parle pas encore du vivant, mais bien de l'apparition des acides aminés et d'un certain nombre de protéines nécessaires à l'apparition et à la constitution de la vie telle qu'on la connaît. On va rentrer dans le détail de cette liste, hein, de courses un peu nécessaires pour arriver à la vie. Elle est vraiment un peu délaissée en faveur de cette autre hypothèse qui était pour le coup, elle, très exotique à l'époque, qui est celle de la panspermie. Alors, oui. En fait, déjà tout à l'heure, lorsqu'on parlait en fait des briques élémentaires, on n'est même pas au niveau des protéines. C'est-à-dire que encore faut-il qu'il y ait des acides aminés et que ces acides aminés s'arrangent entre eux pour former des protéines puis des cellules. C'est-à-dire que, en fait, la protéine, c'est déjà un niveau de complexité tellement élevé qu'il est même pas envisageable de pouvoir former en fait ces protéines sans que des conditions optimales soient présentes. Donc la théorie de la panspermie, elle est un petit peu triviale dans ce sens-là quand on connaît en fait finalement l'évolution et la complexité finalement de cette évolution, il est très peu probable que la théorie de la panspermie puisse être vérifiée. Bon, on va parler en tout cas de l'idée que les composantes, et on va dire exactement de quelles composantes on parle dans un instant, que ces composantes du vivant ne viennent pas ou n'aient pas été créées justement dans cette soupe primordiale, mais qu'une partie au moins d'entre eux, de ces composants, nous soit venue de l'espace et puisse former dans des endroits pourtant très austères, très froids et très lointains. On en parle tout de suite. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. Nous parlons donc de la possibilité de la création des briques élémentaires du vivant dans l'espace. Une théorie, on en parle avec donc Grégoire Danger et Pauline Poineau, une théorie on pourrait dire qui a repris un peu de la vigueur, parce qu'on parle de la panspermie, mais effectivement c'est pas exactement la panspermie, c'est pas amener directement les protéines sur Terre, mais en tout cas les composants qui permettent de former les protéines et d'ailleurs d'autres types de structures, on va en parler. Cette hypothèse, Pauline Poineau, elle reprend donc du poil de la bête, de la force en tout cas, peut-être à partir, on pourrait dire, de la comète de Halley en 1986. Alors, ou déjà non, avant peut-être, je vous laisse commenter ça, vous avez le droit de me contredire évidemment. Oui, en fait, cette théorie de la panspermie, alors c'est une théorie que certains chercheurs vont défendre et d'autres non. C'est-à-dire que finalement, je pense la théorie de la panspermie, c'est une contamination, que les organismes vivants sont à l'origine d'une contamination extraterrestre. On prit naissance dans une contamination extraterrestre. Alors, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que finalement, ce n'est pas des organismes vivants qui sont nés finalement d'une contamination extraterrestre, mais plutôt que, et je pense qu'il faut le penser comme ça, c'est-à-dire que les briques élémentaires du vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui sur Terre, parce qu'il y a peut-être un vivant ailleurs, on ne sait pas encore, finalement ont pu être apportées effectivement par certains objets extraterrestres. Par contre, de là à penser qu'il puisse s'agir d'une bactérie qui vient d'une météorite qui arrive sur Terre pour pouvoir coloniser la Terre, je crois qu'on en est encore très très loin. Non, bien sûr. Il n'empêche que, effectivement, on peut imaginer que certaines briques élémentaires aient pu être amenées sur Terre avec des objets extraterrestres. L'idée est aussi de se dire que probablement, finalement, ces molécules, puisqu'elles ont pu se former dans l'espace, ces briques élémentaires, elles ont également pu tout aussi bien se former sur Terre, en fait. Parce que les conditions étaient peut-être, je ne vais pas dire plus propices, mais en tout cas propices aussi à la formation de ces molécules. Dans un Nature paru récemment, on a montré que dans les sources hydrothermales, il pouvait y avoir la formation de certains acides aminés qu'on ne pensait pas pouvoir se former en fait à l'intérieur de ces sources hydrothermales. Donc finalement, peut-être que la vie arrive de molécules, de briques qui viennent à la fois de l'espace et à la fois en fait finalement endogènes, biogéniques au niveau de la, enfin formées au niveau de la Terre, et que tout ça se soit assemblé pour former des molécules plus grosses, puis ensuite des cellules. C'est ça. On va essayer de Grégoire Danger, peut-être votre point de vue là-dessus. Il est certain que c'est évidemment un mélange les deux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est de voir quel est l'état de nos connaissances sur justement la façon dont certaines de ces briques élémentaires ont pu s'assembler dans l'espace, sur des géocroiseurs, sur des comètes, sur des astéroïdes. On va voir ça. À partir de quel moment, en tout cas, on commence à imaginer qu'il peut y avoir une chimie prébiotique dans l'espace, qui est un milieu dont on imagine qu'il est très hostile à développer dans des températures très froides, évidemment hors de la nucléosynthèse, des réactions chimiques et des liens chimiques forts. En fait, alors déjà, je n'appellerais pas ça une chimie prébiotique, c'est-à-dire une chimie prébiotique, pour en rediscuter, c'est vraiment très bien particulier, c'est l'environnement en fait qui va déterminer ça. J'ai principalement une chimie abiotique, c'est-à-dire qui se fait partout dans l'univers, en dehors des systèmes biologiques. Alors en fait, on a tout simplement une fenêtre sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé lors de la formation du système planétaire à partir de l'analyse des météorites. Hein, puisque les météorites qui sont sur Terre, en fait, ont ce qu'on appelle comme corps parent les astéroïdes et les comètes. D'accord ? Les astéroïdes et les comètes, c'est bien les objets interplanétaires qui viennent dans le système solaire. Donc en fait, en analysant les météorites, on sait que les astéroïdes et certaines comètes ont des acides aminés, des bases lipides, des sucres, et ainsi de suite, des dérivés de sucre, pour être précis. D'accord. Alors en fait, nous, on s'intéresse beaucoup à cette source exogène, ce qu'on appelle, donc en fait, à la matière qu'il y a dans les astéroïdes et les comètes, simplement parce que lorsqu'on a une météorite, on a une observable du type de matière organique qu'il y avait au temps de la Terre primitive. Ce n'est pas forcément le cas de ce qui a pu se former dans l'atmosphère de la Terre primitive, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, entre Miller-Urey et puis d'autres modèles, eh bien, on sait, il y a encore pas mal de discussions assez intenses sur la composition réelle de l'atmosphère, donc finalement sur le type de matière organique qui a pu être formée dans l'atmosphère interprimitive, par exemple. D'accord. Par contre, la météorite, on sait ce qu'il y avait dedans, puisqu'actuellement, les météorites qu'on va analyser sur Terre, eh bien, vous les aviez, entre guillemets, des équivalents que vous pouviez avoir lors de la Terre primitive. Donc en fait, ça nous donne une idée du type de matière organique qui a pu être disponible à l'époque lorsque l'atmosphère, lorsque l'environnement interprimitif s'est stabilisé, et donc, où on a pu avoir le déclenchement d'une chimie intéressante qui ensuite a pu évoluer vers une chimie prébiotique. L'autre intérêt, en fait, d'étudier les météorites, c'est que si on arrive à comprendre, je dirais, les différentes étapes qui ont mené à la formation de la matière qu'il y a dans les météorites, et ça, on va voir qu'on peut relier ça aux nuages nucléaires denses, qui sont, je dirais, le lieu où prennent naissance les systèmes planétaires, eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de trouver cette matière organique dans d'autres systèmes planétaires que le système solaire? Et si ça se retrouvait à la surface d'une exoplanète, par exemple, dans quelles conditions, eh bien, on pourrait utiliser cette matière pour évoluer vers une chimie prébiotique. Donc, en fait, c'est ces deux intérêts-là qui sont... On a une fenêtre sur le passé qui nous dit ce qu'il y avait comme type de matière organique au temps de la Terre primitive. Et ensuite, on essaie de comprendre les étapes qui ont mené à cette formation de matière organique qu'il y a au sein des météorites pour savoir si on pourrait le retrouver dans d'autres systèmes planétaires. Donc, c'est là, en fait, où est l'intérêt. Peut-être qu'on peut faire un peu de définition justement pour savoir exactement de quoi il est question. Quand on parle de matière organique, de quoi on parle exactement, Pauline Poineau? Alors, en fait, la matière organique, ce sont des molécules dites carbonées, c'est-à-dire qui contiennent finalement des éléments de carbone. C'est une molécule organique, c'est une molécule qui contient du carbone. Et voilà, c'est la définition. Est-ce qu'on peut aussi, et je pense que c'était important que Grégoire Danger fasse le distinguo, bien dire de quoi on parle quand on parle de chimie prébiotique et de chimie abiotique? Là, ce dont on va parler, c'est effectivement plutôt de la chimie abiotique, c'est-à-dire qui se fait dans l'espace, en dehors de toute forme de matière de chimie organique ou de chimie biologique, en tout cas. Tout à fait. En fait, la chimie dont on parle, nous, et qu'on étudie, c'est effectivement une chimie parfaitement abiotique. C'est-à-dire que c'est une chimie qui résulte de réactions stochastiques, c'est-à-dire au hasard, aléatoires, voilà, et en fait, finalement, qui finissent par générer et synthétiser des molécules. La chimie probiotique, on est déjà dans le degré supérieur de la chimie. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui se fait avec des conditions qui permettent cette organisation qui va dans un sens donné. Donc, ce sont deux chimies qui sont bien différentes l'une de l'autre. Et Grégoire a raison de spécifier. Grégoire Danger, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Ok, super. Bon, très bien. Alors, on va revenir justement un peu à notre connaissance. On peut-être passer rapidement parce qu'on a déjà fait des émissions entières sur cette question. La nucléosynthèse dans les années 50, on commence à comprendre comment ça fonctionne. On sait que beaucoup d'atomes sont générés bien par les réactions thermonucléaires et donc sont diffusés par les vents solaires notamment. Et donc, comment est-ce qu'on commence à comprendre justement les premières pierres de cette chimie abiotique dans l'espace? Comment est-ce qu'il peut y avoir avoir des réactions chimiques alors que bon, on est dans un environnement évidemment très froid où il y a finalement une matière très peu dense. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ces atomes peuvent commencer à s'agréger en quelque sorte, Pauline Poineau? Alors, je pense que je vais plutôt laisser Grégoire, répondre. Si vous voulez. Grégoire Danger, alors, pour commencer. Oui, alors moi, je suis chimiste, pas astrophysicien, mais, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez dans l'univers, dans l'univers interstellaire, des zones dans lesquelles la matière va se condenser, d'accord? C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler les nuages moléculaires denses. Mm-hmm. Et en fait, dans ces nuages moléculaires denses, vous avez principalement du gaz, hein, c'est 99%, je crois, de la masse de ces nuages moléculaires. C'est de l'hydrogène, et à côté, vous allez avoir une phase solide qui est représentée par des grains de silice qui sont de l'ordre de 0,1 micromètre. Et en fait, parce que vous écrantez du rayonnement des étoiles environnantes, vous allez en fait faire baisser très rapidement la température au centre du nuage, et vous allez descendre à des températures de moins 200, moins 270, moins 250 degrés Celsius. Et en fait, le fait que vous soyez à très basse température, eh bien, les atomes qui sont générés par les étoiles et puis, qui sont relargués dans l'environnement lorsque les étoiles, par exemple, vont exploser, eh bien, vont, donc, les atomes légers comme le carbone, l'oxygène, l'azote, ainsi de suite, vont venir se déposer, s'accréter à la surface des grains qui sont très froids. Et quand vous avez beaucoup d'hydrogène, par exemple, l'oxygène va se déposer sur le grain et puis l'hydrogène va venir réagir avec l'oxygène pour former l'eau, par exemple. D'accord. Et en fait, vous avez plein de petites molécules comme ça qui vont se former à la surface des grains. Et ça, on est capable de savoir la composition de la surface de glace qui entoure en fait ces grains par l'observation. Donc, les astronomes en fait en spectrométrie infrarouge sont capables de nous dire que ces grains sont la glace de ces grains sont majoritairement formés d'eau, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, de méthanol et d'ammoniac par exemple. Hein, d'accord. Moyenne. Donc ça ce serait le premier niveau en quelque sorte. Méthanol, ammoniac. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. On peut préciser juste la formule du méthanol, c'est CH3OH, l'ammoniac NH3. L'ammoniac c'est NH3, voilà. L'eau c'est H2O. C'est ça. Et l'oxyde de carbone c'est CO, et l'oxyde de carbone c'est CO2. C'est ça. D'accord. C'est voilà. Là on a vraiment le premier niveau du jeu de Lego en quelque sorte, chimique. Tout à fait. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans ces nuages moléculaires, c'est à un moment donné, il y a une perturbation gravitationnelle. Alors là, je suis pas spécialiste, il y a des personnes qui font tout passer pour vous expliquer, mais ce qui va se passer, c'est que le nuage va s'effondrer sur lui-même, vous allez avoir un mouvement cinétique qui va apparaître, et à un moment donné, l'étoile va s'allumer. Et en fait, cette étoile, eh bien, vous avez du rayonnement UV infrarouge qui va être émis par l'étoile. En plus, vous avez des rayons cosmiques, donc ce sont des ions rapides qui ont beaucoup d'énergie qui vont venir impacter finalement ces petits grains qui ont de la glace. Et en fait, les molécules d'eau, H2O, CH3OH, ammoniac, vont se casser pour former ce qu'on appelle des radicaux. D'accord? Donc en fait, vous allez casser vos molécules initialement pour en faire des plus petites. Mais ce qui est intéressant, c'est que suivant la position de votre grain par rapport à l'étoile, notamment s'il est chauffé, hein, parce que vous voyez bien que le soleil émet de la chaleur, donc c'est pareil, le grain lui aussi va subir du réchauffement. Et ces petites molécules vont bouger pour former de nouvelles molécules qui vont être de plus en plus grosses. Vous partez du méthanol, et puis au final, vous allez former des molécules avec 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. Et en fait, pour comprendre vraiment la chimie qui se passe lorsque l'étoile se forme et lorsque un système planétaire va se former, on peut simuler cette évolution-là en laboratoire. Et en fait, on va reprendre de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac, par exemple, dans les très basses températures, 70 Kelvin, donc ça fait moins 220 degrés, par exemple. À basse pression, justement à 10 millibars, on soumet du rayonnement équivalent à ce que pouvait émettre l'étoile en formation, donc de l'UV, des ions ou des choses comme ça. Et en fait, on réchauffe le système et à la fin, on a des molécules organiques et on s'est rendu compte que si vous partez uniquement d'eau, de méthanol et d'ammoniac, qui sont pour un chimiste vraiment des toutes petites molécules, et bien à la fin, vous formez des milliers de molécules différentes avec des masses très importantes, puisque vous avez des masses jusqu'à 4000 grammes par mol, ce qu'on appelle pour le chimiste. Il faut savoir que le méthanol, sa masse, l'eau par exemple, c'est 18. D'accord. Donc en fait, vous avez des structures à partir uniquement d'eau, de méthanol, d'ammoniac, dans les conditions environnementales qui vont prévaloir lorsque un système planétaire se forme, et bien vous allez former des millions de molécules, une très très grande diversité moléculaire. Et en fait, cette diversité moléculaire, ensuite, elle va se retrouver dans les astéroïdes et les comètes. Et ensuite, elle peut se retrouver sur Terre, puisqu'on en a un exemple avec les météorites. D'accord. C'est ça. Donc on voit bien comment, effectivement, parce qu'il faut, il faut préciser qu'effectivement, dans ces disques, ou en tout cas de poussière pré-solaire ou protoplanétaire qui vont ensuite s'agréger, ça va former évidemment bien des astéroïdes, des comètes, et puis de loin en loin, des planètes. Et ensuite, c'est une autre émission qui n'est pas celle de la nôtre aujourd'hui, mais celle de la formation d'un système solaire. Donc c'est intéressant peut-être, Pauline Poineau, votre point de vue là-dessus. Là, on a vraiment les toutes premières briques, non pas du tout du vivant, on est très très loin du vivant, mais en tout cas de ce que va constituer la matière qui va ensuite se répartir, se réarranger à la création d'un système planétaire. Oui, en fait, et c'est là où l'expérience de Grégoire est finalement intéressante, et au final, ça rejoint aussi un peu les toutes premières expériences de Miller qui ont été faites. C'est-à-dire que finalement, là, on se rend compte que lorsqu'on met des molécules gazeuses très simples, hein, il l'a dit, méthanol, eau et ammoniac, on est capable de former une diversité de molécules extrêmement importante, finalement, dans les conditions environnementales qui étaient celles de notre système solaire à ses débuts. Et parce qu'il y a des rayons, parce qu'il y a des variations de température extrêmement importantes et qui font qu'en fait ces radicaux libres dont il a parlé peuvent sont extrêmement réactifs et vont produire une diversité de molécules très importante. Et donc en fait finalement les glaces, puis les comètes, les astéroïdes et enfin les météorites et les roches, en fait d'une façon plus générale, sont finalement constituées de toutes ces briques en fait finalement. Et ensuite donc arrive la notion d'arrangement entre ces briques pour former des systèmes plus organisés. Donc, et c'est vrai que finalement, l'expérience de Grégoire le montre très très bien, c'est que les conditions initiales, en tout cas du système solaire, de notre système solaire, permettent la formation de ces petites briques qui pourront ensuite se réarranger pour former quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a l'examen d'une météorite particulière, hein, qui va être très très riche d'enseignements. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, parce que là, on est vraiment donc sur ces chondrites carbonées qui sont effectivement des traces de la formation du système solaire. La météorite de Murchison, qu'on a découverte en 1969 en Australie, pourquoi est-ce qu'elle est importante justement dans la compréhension des étapes qui mènent à la formation de ces premières briques que peuvent être les acides aminés notamment, mais il n'y a évidemment pas que Pauline Poineau. Alors, en fait, cette météorite, effectivement, c'est une des météorites de référence parce qu'elle est très riche en molécules organiques. Et en fait, elle a été analysée et étudiée sous pratiquement tous ses angles, que ce soit pour la matière inorganique comme pour la matière organique. Et en fait, cette météorite renseigne effectivement sur la matière organique finalement présente directement dans l'espace. Et alors on l'a analysé ici au laboratoire, mais on n'est pas les seuls, et on a effectivement remarqué qu'il y avait une diversité par exemple en acides aminés, donc ce sont les acides aminés qui sont une des briques élémentaires du vivant qu'on connaît nous. Et en fait on a remarqué qu'il y avait effectivement une diversité en acides aminés dans cette météorite bien plus importante que celle qu'on connaît nous sur Terre. Et plus de 70 acides aminés, hein, je parle sous votre contrôle, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et en fait effectivement ça montre finalement la diversité de molécules qui peuvent se former dès lors que les conditions, on va dire, physico-chimiques permettent la formation de ces molécules. Et en fait, c'est là que c'est où ça paraît aussi un peu déstabilisant, puisque finalement, on part d'une telle diversité en acides aminés, par exemple, en fait, dans la météorite de Murchison, et finalement, en fait, on arrive qu'à 20, 21, enfin, une petite vingtaine d'acides aminés sur Terre. Donc la question qui peut se poser ensuite derrière, c'est pourquoi cette sélection? Mais ça, on n'est pas là pour y répondre, mais il n'empêche que, effectivement, les météorites renseignent sur l'ensemble des réactions chimiques qui peuvent se produire au niveau de l'espace et donc, finalement, qui ont pu aussi se produire sur Terre. Mmh. Et donc, l'analyse de ces météorites donne des renseignements précieux sur finalement comment ces molécules se sont formées et voire même comment est-ce qu'elles ont pu se réarranger. Parce que c'est ce que disait tout à l'heure Grégoire. C'est que, en fait, on s'est aperçu que même sur des analogues de glace cométaire, donc on n'en est pas encore à la météorite, il y a déjà des systèmes complexes, des molécules complexes qui se forment. Et donc, là, aujourd'hui, l'idée, maintenant, pour la météorite de Murchison, par exemple, c'est d'essayer de voir s'il y a aussi des systèmes plus complexes que les acides aminés à l'intérieur de ces météorites, et tant qu'à faire, des systèmes complexes telles qu'on les connaît aussi sur Terre. Alors, j'ai une question de béotien qui m'a traversé en préparant cette émission. Est-ce que, puisque les météorites sont donc des objets géocroiseurs qui sont tombés sur Terre, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu, du fait de la traversée, donc de l'échauffement lors de la traversée de l'atmosphère, une forme de réorganisation ou en tout cas de changement de la composition ou de la chimie justement abiotique de ces molécules et donc la création d'éléments chimiques qui n'auraient pas été présents naturellement dans l'espace sans cet échauffement très fort lié à la traversée de l'atmosphère, Grégoire Danger. Alors, de ce que je connais, il y a des expériences qui ont été faites pour regarder un petit peu justement la pénétration atmosphérique, ce que donnait en fait, est-ce que le système évoluait. A priori, il y a peu d'évolution, mais je sais qu'il y a des groupes, notamment à Orléans, qui font des expériences comme ça, hein, c'est-à-dire qui prennent des matériaux géologiques qui sont représentatifs des météorites, ils les dopent en fait avec des matériaux organiques pour regarder l'évolution de ces matériaux-là. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours d'expérimentation. Hein, mais a priori... Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose sur le contenu organique. Après, vous avez d'autres expériences qui ont été faites sur des glaces, notamment avec le mélange d'eau, d'acide cyanhydrique, je sais plus d'autres molécules, où ils montraient en fait que vous pouviez, par le choc, en fait, hein, c'est-à-dire vous avez une onde de choc qui peut traverser l'objet, et ça pouvait donner l'énergie suffisante pour faire des réactions chimiques, notamment les acides aminés. Et en fait, ça va dépendre énormément de la taille de l'objet, donc je veux dire que j'ai pas énormément d'expérience là-dedans, mais pour ce que je connais, je crois que c'est la modification est pour le moment pas extrêmement importante. Pauline Poineau, on trappe ma question, c'est vraiment une question de béotien qui n'a aucun intérêt. Alors, vous avez le droit de dire oui, hein, je le prendrai pas mal, je vous assure. Non. En fait, ce que justement. Enfin, bon, d'après ce que dit Grégoire, effectivement, et je suis assez d'accord avec lui, a priori, il n'y aurait pas de transformation de la météorite au moment où elle traverse notre atmosphère. Mais justement, pour éviter cela, ce qu'on fait au niveau analytique, généralement, c'est que, en fait, on prend pas forcément la surface de la météorite. En fait, quand on analyse, on l'analyse plutôt à l'intérieur, ce qui nous évite justement de trouver ce genre d'artefacts-là, sachant que finalement, le problème, c'est pas tant la météorite ou la transformation de la météorite lorsque vous les molécules chimiques lorsqu'elles traversent l'atmosphère, c'est plutôt la contamination lorsqu'elle est arrivée sur Terre. Bien sûr. Eh ben, on va continuer à examiner bien ce que l'on peut trouver dans l'espace, voir jusqu'où bien cette chimie spatiale abiotique peut se complexifier et jusqu'à quel point on peut imaginer que ces briques qui ont finalement contribué à l'apparition du vivant nous viennent principalement de l'espace plutôt que de notre planète ou certainement un peu des deux. L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes ses planètes ses et le ciel, tel un rêve éternel, où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini, vers lequel nous allons plein de joie, sur les chevaux du vent, le futur, l'aventure nous font face, laisse-moi. Il était un temps où les génériques de dessins animés pour enfants ressemblaient à du Michel Legrand. Nous avions appelé cette émission, il était une fois la ville, il était une fois l'espace. Nous avons donc décidé de vous ressortir ce vieux générique d'Il était une fois l'espace. Ça rappelle peut-être des souvenirs à beaucoup de gens comme moi qui sont de cette époque. Sinon, c'est vraiment juste pathétique. En tout cas, vous êtes sur France Culture et vous écoutez une émission qui est consacrée à l'assemblage des briques du vivant dans l'espace. Nous en parlons avec Pauline Poineau, qui est biochimiste et chimiste analyste, maîtresse de conférences et chercheuse interdisciplinaire pluridisciplinaire à l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, et Grégoire Danger, maître de conférence au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires de l'Université Aix-Marseille, CNRS, et... on va pour terminer, chercheur associé au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Ceci étant dit, et ce générique étant maintenant derrière nous, peut-être serait-il temps, Pauline Poineau et Grégoire Danger, de rappeler, de refaire un petit point sur exactement ce que l'on entend par acides aminés, pourquoi certains acides aminés peuvent contribuer à l'émergence du vivant et pas d'autres. On a entendu que la météorite de Murchison, il y en avait 70, alors qu'on sait que ces briques du vivant ne sont qu'au nombre de 20 ou 21 en fonction de ce que l'on choisit sur Terre. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est important d'en déterminer certains dans l'espace et pas d'autres? Qui veut répondre à ça? Pauline Poineau. C'est vous. C'est sur vous que ça tombe. En fait, alors, disons que tous les acides aminés sont importants. Ils sont tous importants justement pour faire la distinction, en fait, entre ce qui est terrestre et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il y a une diversité en acides aminés beaucoup plus importante, finalement, dans l'espace que sur Terre. Et la question, effectivement, c'est pourquoi il y a eu une telle sélection. Alors, je suis incapable de répondre à cette question, mais il n'empêche que l'analyse de l'ensemble des acides aminés, en fait, dans les météorites, est importante parce que cela nous permet de faire la distinction entre ce qui est purement abiotique et ce qui ne l'est pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au-delà du fait qu'il y ait effectivement que 20 acides aminés, enfin, une petite vingtaine sur Terre comme étant des acides aminés en fait qu'on dit biotiques dans le sens où ils participent à la vie, ces acides aminés-là sont importants certes, mais il y a aussi un autre élément qui est finalement leur chiralité. Alors, bien sûr. En fait, ce qui se passe sur l'analyse de ces acides aminés, c'est que, alors, d'une façon très générale et très grossière, on peut dire que les acides aminés dans l'espace sont racémiques, c'est-à-dire que chaque acide aminé existe sous deux formes, on va dire une forme symétrique droite et une forme symétrique gauche. On peut juste redire un mot, c'est très très rapidement pour dire la chiralité, c'est l'équivalent, très connu, une propriété très connue en chimie des molécules, la complexion tridimensionnelle des molécules tourne soit à droite soit à gauche, un peu comme la main droite et la main gauche, c'est-à-dire se renvoient leur image dans un miroir, et on peut dire, pour préciser, que la chiralité gauche est vraiment la seule qui a été sélectionnée pour produire des cellules vivantes et de la chimie biotique. Je m'arrête, vous pouvez me corriger maintenant. Oui, en fait, c'est vrai, mais pas pour tous les types de molécules. C'est-à-dire que, effectivement, les acides aminés vont être de chiralité L, alors que les sucres, par exemple, eux, seront d'une autre chiralité. En fait. C'est-à-dire que ça dépend quand même de la famille des molécules. Bon, il n'empêche qu'effectivement, comme vous disiez, la chiralité, c'est un objet chiral, c'est un objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Donc, typiquement, c'est la main droite, c'est la gauche. Et donc, en fait, effectivement, cette chiralité est une notion importante, en tout cas, pour caractériser les molécules du vivant sur Terre, et notamment les acides aminés, qui sont tous, en fait, dans le vivant de chiralité L. Et donc, en fait, on s'est aperçu dans l'espace que cette chiralité, elle était, qu'il y avait pour un acide aminé, 50% de l'acide aminé sous sa forme L et 50% de l'acide aminé sous sa forme D. Et ça, en fait, c'est aussi une des caractéristiques, finalement, des molécules dans l'espace par rapport à celles qui sont sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a eu, en même temps, ou peut-être à la fois, si toutefois il y a eu une sélection d'acides aminés, il y a eu une sélection par leur nature, mais il y a aussi une sélection sur leur chiralité. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels les chercheurs travaillent, notamment à Marseille, alors pas forcément sur les acides aminés, mais sur des molécules, pour essayer de comprendre, en fait, comment... finalement, il y a pu y avoir une propension à une chiralité sur Terre et pas les deux, comme c'est le cas dans l'espace. Donc, au-delà de la diversité des acides aminés, il y a aussi ces questionnements-là sur, finalement, leur chiralité et leur géométrie dans l'espace. Grégoire Danger, pour compléter sur les acides aminés, sur encore une fois l'immense quantité qu'il peut y avoir, indépendamment justement de ces 20, enfin de cette vingtaine qui sert qui aura servi derrière à constituer les cellules vivantes. Oui, alors juste une petite par rapport à la chiralité des acides aminés. En fait, dans les météorites, on s'est rendu compte que vous avez des excès en forme gauche en fait de certains acides aminés, qui mène en fait certains scientifiques à poser l'hypothèse que justement les météorites auraient amené cette matière avec une asymétrie et que cette asymétrie, en fait, au niveau des décennies, aura pu être amplifiée par les systèmes prédictifs pour aller jusqu'à l'émergence de Mokiro, tel qu'on peut les voir. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule forme. Elle, par exemple, quand il y a ces animés, au niveau, une forme gauche, excusez-moi, au niveau des protéines. Donc, en fait, la question, la diversité, oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une sélectivité? Pourquoi est-ce qu'on a peut-être que 20 asymétries dans les systèmes vivants? C'est le principe, la chimie prébiotique, en fait, a transformé la chimie qui se fait dans les systèmes, qui a permis de former, pardon, la matière organique au sein des systèmes vivants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une très grande diversité moléculaire, et le principe de la chimie prébiotique, c'est que vous allez, en fait, sélectionner des passages qui vont vous mener vers des systèmes chimiques qui vont avoir des propriétés très particulières, que sont en fait des propriétés des systèmes biochimiques, on pourra, si vous voulez, en parler tout à l'heure. Mm-hmm. Donc en fait, le fait que, tout simplement, si vous regardez la biomasse sur Terre et que vous comparez la diversité moléculaire qu'on peut former à partir d'une glace interstellaire ou que vous avez dans les météorites, eh bien, vous vous rendez compte que la vie a extrêmement simplifié le nombre de molécules qu'elle utilise. Par contre, elle a extrêmement complexifié l'organisation du système. Donc en fait, lorsque vous regardez ce qui forme au niveau abiotique, vous avez une complexité de par la diversité moléculaire, alors que si vous regardez les systèmes biochimiques, vous avez une complexité de par l'organisation du système. Et en fait, toute la question de la chimie prébiotique, c'est comment est-ce qu'on est passé de cette diversité moléculaire vers des systèmes qui s'organisent. Et ça, c'est lié, en fait, on pense, alors ça c'est les travaux qu'on fait avec Julien Audetour et Robert Pascal à Martial, et on pense que c'est lié aux conditions environnementales qui vont en fait sélectionner certaines voies chimiques et qui vont mener à la formation des systèmes qui s'organisent. Et donc par rapport à votre question au niveau des acides aminés, en fait, on ne sait pas à quel niveau ont été sélectionnés les peptides, les protéines et les ARN et autres. Donc en fait, c'est une question qui est totalement ouverte. C'est-à-dire qu'en chimie prédictive, vous avez déjà en effet, et on était de cette école-là, on a un peu changé, mais qui se posait la question de comment est-ce qu'on peut coupler les acides aminés pour former des protéines très rapidement. Nous, on s'intéresse maintenant plutôt à comment est-ce que les processus qui régissent les systèmes vivants ont pu apparaître au niveau chimique. D'accord? Parce qu'en fait, recréer l'histoire qui mène à la vie telle qu'on la connaît est impossible. Simplement, parce que vous avez des phénomènes de contingence, de hasard, tout au long de l'évolution chimique et ensuite des espèces vivantes qui fait qu'il est extrêmement difficile de recréer l'histoire qui a mené à la vie sur Terre. Par contre, on essaie de comprendre les conditions environnementales qui permettent l'émergence des processus qui régissent les systèmes de chimie qui sont très différents de ce qui peut se passer, par exemple, de la réaction chimique qu'il y a sur une comète ou dans un astéroïde ou autre. C'est une chimie abiotique. Ouais. Pour revenir un peu à l'observation et à ce que et aux différentes annonces, parce que c'est vrai que ces dernières années on a entendu beaucoup, on l'a d'ailleurs pas assez souvent traité à ce micro dans le journal des sciences, des découvertes qui soient d'acides aminés mais d'autres types de molécules, on n'en a pas encore parlé d'ailleurs, on va l'aborder dans un instant, de sucre notamment, directement parfois dans l'espace, c'est-à-dire de manière observationnelle, avec peut-être un point que vous pourriez commenter l'un et l'autre, c'est la mission Rosetta et la découverte grâce au spectrographe embarqué de Rosetta de glycine et de phosphore sur la comète Chury. Est-ce que c'était attendu? Est-ce que au contraire ça vient confirmer que ces acides aminés, en tout cas les plus simples, hein, puisque a priori il y avait tout de même un petit problème pour réussir à en détecter de plus complexes, sont bel et bien là? Comment est-ce que vous avez appréhendé cette découverte, Pauline Poineau? Alors, effectivement, enfin, la mission Rosetta a mis quand même en évidence la présence d'un acide aminé sur une comète directement dans l'espace. Donc, c'est une découverte majeure, je dirais, pour le domaine. Après, non pas qu'on puisse s'y attendre, mais on était plutôt content de voir que effectivement les acides aminés étaient bien présents sur une comète directement dans l'espace. Et ça vient confirmer les expériences qu'on fait sur Terre sur les météorites qui effectivement arrivent sur notre planète. Donc oui, c'est une expérience absolument avec des résultats extraordinaires. Maintenant, comme vous le disiez, justement, on a mis en évidence qu'un seul acide aminé. Alors, la question, c'est de savoir, effectivement, si on aurait pu en trouver d'autres et des plus complexes, mais ça met en évidence, et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez reconnu par la communauté, que, en tout cas, pour ce qui est des acides aminés, les acides aminés les plus, on va dire, petits, les plus simples, sont effectivement détectés dans les comètes ou dans les météorites. Aujourd'hui, il y a certains acides aminés qui sont plus complexes et plus difficiles à former, qu'on ne détecte pas dans les météorites et qui sont présents sur Terre. Et donc là, comme le disait là tout à l'heure Grégoire, la question c'est de savoir pourquoi effectivement ces acides aminés un peu plus complexes, en tout cas on ne les a pas détectés aujourd'hui sur les météorites. Alors est-ce qu'ils se sont formés ou pas, on ne sait pas, ou est-ce que c'est parce que nos techniques ne nous permettent pas aujourd'hui de les détecter de façon certaine. Il y a deux hypothèses là-dessus, mais on peut aussi se poser la question de il en a pas parlé, mais je pense que il en avait envie, ça lui brûlait les lèvres, de la thermodynamique, en fait. C'est-à-dire que il y a des conditions de stabilité qui vont permettre à certaines molécules de pouvoir être plus stables et donc de pouvoir se former, et de rester stables dans le temps. D'autres qui vont se former par des réactions de cinétique qui vont se former rapidement. Et en fait, la question, c'est de savoir, effectivement, dans l'espace, est-ce que des conditions sont thermodynamiquement favorables pour la formation de certains types de molécules. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que pour les acides aminés, en tout cas d'après ce qu'on sait, c'est que ce sont les acides aminés les plus simples qui se forment de façon prépondérante. Les autres peuvent être présents, mais s'ils le sont, c'est en quantité très faible et parfois même absent. Il y avait peut-être Grégoire Danger un mot là-dessus sur la glycine, mais aussi je crois, et là aussi je parle sous votre contrôle, que la présence de phosphore a été un indice important, parce que le phosphore joue un rôle aussi important dans la chimie prébiotique, et on n'est pas sûr de savoir exactement par quel biais il avait pu arriver sur Terre. Oui, tout à fait. Donc pour ce qui est la détection de la glycine, en fait, ce que ça montre, et je dirais que, pour casser peut-être un peu le truc, c'est que finalement la chimie organique est basée sur le carbone et ça fait partout dans l'univers. Donc en fait, la disponibilité de matière organique, finalement la matière constitutive qui est utilisée pour les systèmes vivants, on peut la retrouver à peu près sur dans beaucoup d'environnements astrophysiques. Donc en fait, la question, c'est non pas de trouver de la matière organique, mais c'est de trouver l'environnement dans lequel cette matière organique va pouvoir être utilisée pour obtenir l'émergence de systèmes vivants. Et par rapport à votre question au niveau du phosphore, en effet, oui, c'est une grande question au niveau de la chimie prébiotique, c'est d'où vient en fait le phosphore. Alors vous avez différentes hypothèses. Le phosphore, il est utilisé pour quoi? Juste dites-nous, en chimie prébiotique, pourquoi c'est un élément important? Alors en fait, c'est le pont entre le sucre de l'ADN ou de l'ARN, en fait. Ça vous permet de lier en fait les différents nucléosides qu'on appelle, vous formez des nucléotides, et après vous avez des oligonucléotides, et en fait ça vous fait le lien entre différents briques pour former l'ARN ou l'ADN, d'accord? Donc c'est extrêmement important. Après peut-être que Pauline pourra compléter parce qu'il est beaucoup plus calé que moi en biochimie. Mais voilà, donc en fait, alors après vous avez des hypothèses qui sont que en fait justement vous avez des météorites qui sont riches en phosphore et qui peuvent être lessivées par l'environnement que la Terre primitive pour relarguer du phosphore, alors sous quelle forme, je ne me rappelle plus comme ça, notamment il y a John Sutherland à Cambridge qui travaille là-dessus. Donc en effet, la source de phosphore est une question ouverte encore en chimie prébiotique. Un mot peut-être là-dessus, Pauline Poineau, rapidement? Alors oui, le phosphore, c'est un atome dont la découverte aussi a été extrêmement importante. Il permet effectivement de faire le pont entre, les bases nucléiques qui deviennent ensuite des nucléotides, qui deviennent ensuite donc des oligonucléotides pour devenir de l'ADN. Mais c'est effectivement qu'un petit élément dans la formation de l'ADN. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que là encore, c'est pas parce qu'on a du phosphore qu'il y a de l'ADN qui se forme. C'est-à-dire qu'il faut du phosphore, mais des bases nucléiques, des sucres, etc., etc. Donc voilà, c'est une découverte importante dans le sens où on peut se dire effectivement que si le phosphore était présent dans le système solaire d'une façon générale, alors tous les éléments étaient réunis pour former de l'ADN ensuite. Mais alors justement, on commence à avoir plusieurs éléments intéressants, puisque on a donc certains acides aminés. On va voir qu'on a même plus que des acides aminés, d'ailleurs grâce à vos travaux. En 2018, une équipe de la NASA montre, alors c'est en laboratoire, mais que des sucres peuvent se former dans le milieu interstellaire, en l'occurrence le 2-désoxyribose. Et puis, vous avez travaillé, je crois, une prépublication qui est sur le site ChemArchive fin février, dont vous pouvez peut-être nous dire un mot. Bah, allez-y, puisque c'est intéressant, ça fait partie. Vous trouvez des séquences peptidiques, donc on commence à aboutir pas encore à la protéine complète, mais en tout cas à des morceaux de protéines. Alors, là, je vais me permettre d'intervenir, oui, parce que en fait, oui, c'est une prépublication sur ChemArchive, donc du coup, elle n'est pas encore publiée. Elle n'est pas encore revue par les pairs, mais on connaît ça depuis 3 mois de coronavirus. Voilà. On est au courant, on sait ce que c'est que les prépublications. Voilà. Vous donc, pouvez y aller. Du coup, on va être très, très, très humble par rapport aux résultats pour le moment. Non, en fait, ce qu'on a mis en évidence, là, ce qu'on a développé, c'est une méthode qui nous permettrait de mettre en évidence indirectement la présence de peptides dans les météorites. Maintenant, sur cette étude-là, il y a quand même un manque important, c'est-à-dire que pour pouvoir confirmer effectivement la présence de ces peptides extraterrestres dans ces météorites, il nous fallait des études et des analyses complémentaires, notamment des analyses isotopiques, qui nous permettaient de confirmer que ces peptides étaient bien extraterrestres. Et donc là, aujourd'hui, on est sur une hypothèse, mais qu'il faudra de toute façon vérifier avec des expériences complémentaires par la suite. Il n'empêche que on a pu mettre en évidence effectivement qu'il y avait possiblement, et je dis bien possiblement, des peptides dans ce type d'objet-là. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on définisse exactement s'il s'agit bien de peptides extraterrestres ou si ce n'est pas une contamination terrestre, finalement, de la météorite au moment où elle est tombée sur Terre. Et donc, pour cela, il va nous falloir, en fait, falloir faire des expériences complémentaires. Qu'est-ce qui vous permettrait de discriminer l'un de l'autre, justement, la chiralité, d'autres éléments? Alors, la chiralité, elle est présente dans cette étude-là, mais en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que il y a des protocoles très stricts lorsqu'on traite une météorite. Et donc, en fait, il faut notamment passer par différentes étapes d'analyse, et notamment ce que je disais tout à l'heure, des analyses isotopiques. Et en fait, ces analyses, elles sont importantes, et ce qui est tout à fait normal, pour pouvoir confirmer effectivement les résultats qu'on met en évidence. Et en fait, lorsqu'on aura tous ces résultats-là, on pourra effectivement signifier si oui ou non ces peptides faisaient bien partie de la météorite au moment en fait de son passage donc au niveau de l'atmosphère, ou si finalement il ne s'agit pas d'une contamination. Donc en fait, on en est encore qu'aux prémices. Après, il y a une autre étude qui a été faite qui est publiée sur cette fois-ci non pas ChemArchive mais sur ArcSeq, donc c'est le même site de prépublication mais en physique, où là eux ont mis directement en évidence la présence potentiellement d'une protéine. Mais là encore une fois, c'est un article qui n'a pas encore été reviewé et corrigé par nos pairs. Donc on va dire qu'il y a plusieurs éléments qui permettraient de dire potentiellement qu'il y a bien des peptides ou peut-être même encore des masses plus grosses, des protéines, mais tout ça reste encore à être confirmé et notre étude est vraiment une étude préliminaire pour pouvoir en fait aller dans cette direction-là et aboutir à ce résultat-là. Donc on va rester très très humble. On est très prudent. En fait, quant aux résultats. Toute la prudence épistémique est sortie et on fait attention évidemment. Surtout, on a pris l'habitude de faire un peu attention à ça. Mais néanmoins, c'est des pistes intéressantes. Grégoire Danger, voilà. Peut-être un commentaire sur ces travaux ou peut-être sur finalement tout de même une sorte d'accélération des publications, ou en l'occurrence des prépublications, que ce soit observationnel, que ce soit sur des expériences de laboratoire qui montrent que dans la reconstitution, dans l'équivalent d'un milieu interstellaire, on arrive à former tout de même beaucoup de composés, pour le coup, prébiotiques. Il y a tout de même une sorte de faisceau d'indices ou d'accélération qui s'accumule ces dernières années. Ah oui, je pense que c'est clair, net. Moi, je pense que tout le monde maintenant accepte le fait que les astéroïdes et les comètes sont des sources de matière organique extrêmement intéressantes et qu'ils ont des molécules, les building blocks qu'on appelle, hein, les acides aminés, les bases lipidiques et des sucres en leur sein. Donc en fait, puisque de toute façon on voit les météorites, donc on sait très bien qu'il y a ces molécules-là en leur sein. Maintenant, l'intérêt, c'est qu'on commence à mieux comprendre leur origine. Et c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que le fait de mieux comprendre les étapes qui ont permis leur formation va nous permettre de savoir si on peut les retrouver dans d'autres systèmes planétaires. Hein, donc voilà, mais il est clair que que maintenant, c'est admis que tous ces objets sont riches en matière organique. On a quasiment tous les éléments, parce que je vais pas citer l'intégralité des articles, ce serait un peu fastidieux, mais pareil, en septembre dernier, des astrochimistes japonais qui montrent que des bases azotées de l'ADN et de l'ARN peuvent être synthétisées dans les nuages interstellaires avec simplement du rayonnement UV d'un jeune soleil. On l'a dit, on a le phosphore, on a des sucres. Qu'est-ce qui manque, en fait, finalement, justement, à ces pièces de Lego dispersées avant de pouvoir les assembler, Pauline Poineau? On va en revenir à ce qu'on disait au départ. Il manque les conditions, c'est-à-dire que Gillian, c'est ce que on disait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir simplement les éléments isolés les uns des autres pour pouvoir former quelque chose de plus complexe, organisé, et en plus qui va vers une organisation qui tente à se reproduire, à s'amplifier. Et donc, en fait, il faut à un moment donné que ces molécules-là puissent s'assembler pour former quelque chose qui quand même est assez extraordinaire dans le sens qu'il est capable de s'auto-reproduire, il est capable de s'isoler en fait de l'environnement, et il est capable aussi d'avoir un métabolisme, donc des enzymes et autres. Donc, et c'est pour ça qu'il est important de faire bien le distinguo entre la chimie abiotique dont on parlait et la chimie prébiotique, parce que il y a quand même un gap là à passer et qui correspond finalement aux conditions qui ont permis l'assemblage de ces molécules. Donc, c'est vrai que le fait qu'on puisse les identifier dans le système solaire d'une façon générale nous donne une raison de penser qu'elle puisse avoir été sur Terre, donc soit en venant de l'espace, soit directement sur Terre, mais ensuite il a fallu quand même qu'elle puisse se réarranger d'une certaine façon pour pouvoir conduire à la vie. Et ça, les conditions sont le facteur déterminant dans l'association de ces molécules. Bien sûr. Alors évidemment, je n'ai pas dire qu'il suffisait de prendre des pièces de Lego et de les jeter dans un grand bassin avec de l'eau un peu salée pour que ça marche. Finalement, on ne sait pas. Peut-être que ça marche. Peut-être que c'est ça. Il y a encore évidemment beaucoup d'incertitudes sur les conditions exactes de l'émergence, du passage de l'inanimé à l'animé. On avait consacré une émission entière là-dessus. Mais néanmoins, Grégoire Danger, ce que je voulais dire, et peut-être pour conclure, c'est que on sait quasiment aujourd'hui, il manque peut-être encore quelques pièces au puzzle, mais qu'on dispose de quasiment tous les éléments, de tous les ingrédients qui vont être nécessaires ensuite pour s'assembler et pour créer quelque chose, pour créer une surface, une intérieure d'un extérieur, et puis pour créer quelque chose d'animé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a la matière de base. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce qui est nécessaire, mais pas suffisant en tant que tel. C'est-à-dire ce que disait Pauline, hein, c'est qu'il nous faut de l'énergie dans l'environnement qui va nous permettre d'une part. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le terme dynamique, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il faut que l'environnement, c'est un environnement très particulier dans lequel on va avoir une source d'énergie qui va nous permettre d'associer ces molécules, parce que ce qui est très, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais en fait en chimie, vous avez le second principe de la thermodynamique qui fait que tout système doit aller vers une augmentation de son désordre. Donc si vous organisez... C'est l'entropie. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps entière dessus, pareil. On a fait des émissions sur tout, vous savez, ça fait 4 ans qu'on est à l'antenne, on commence à avoir une petite bibliothèque. Un peu. Allez-y, on est bon sur l'entropie, on a révisé déjà. Donc en fait, le principe, c'est que vous partez d'un système dans lequel vous avez énormément de molécules, comme on disait tout à l'heure, et puis vous allez vouloir l'organiser, et notamment vous allez former des molécules de plus en plus grosses. Donc vous allez contre le second principe de la thermodynamique. Donc pour pallier à ça, c'est impossible. D'accord ? Donc ce qu'il va falloir, c'est que vous allez avoir une source d'énergie dans l'environnement. Une partie de cette énergie va être donnée au système qui se forme pour associer les molécules, et une autre partie de l'énergie va être rejetée dans l'environnement sous forme de déchets, de manière à ce que lorsque vous associez l'entropie de votre système plus l'entropie de son environnement proche, vous avez une augmentation globale de l'entropie. D'accord ? Et c'est là où on insiste beaucoup avec Pauline là-dessus, mais je pense que c'est vraiment très important, parce que lorsque vous avez les communiqués de la NASA ou du CNES, qui disent on a la glycine sur une comète super, la vie est partout dans l'univers, non, on ne peut pas dire ça. Petite étape encore. Vraiment, on ne peut pas dire ça. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment qu'on trouve, qu'on comprenne quelles sont les conditions environnementales pour aller vers ces systèmes organisés. Et lorsqu'on a dans une comète, on en est très loin. D'accord ? Et c'est vraiment ça, je pense, qui est très important à comprendre. Et c'est très important à comprendre, et ça par ailleurs le mot de la fin pour bien clouter cet entretien. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci d'être venus nous raconter justement tous ces éléments de chimie abiotique qui donnent lieu et qui donneront lieu peut-être à un moment donné, selon des conditions encore obscures comme on vient de l'entendre, à la vie. Merci Pauline Poineau, merci Grégoire Danger, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezen, Alexandra Delbeau, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Eve Etienne, Noémie Naguet, de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, il sera question une nouvelle fois d'épidémiologie, oui, mais d'épidémiologie sociale. Comment étudier l'impact d'une maladie émergente ou non sur les différentes strates sociales de la population? Est-il vrai que les maladies infectieuses frappent plus durement les personnes les plus défavorisées? Cela a-t-il été le cas pour toutes les épidémies? Y a-t-il un modèle social de propagation? Autant de questions que nous poserons demain à 16h. On se retrouve avant ça à 8h55 pour la radiographie du coronavirus dans les matins de France Culture, jusqu'à preuve du contraire.